Aujourd'hui, c'est pas la voix de Raik que vous allez entendre, c'est la mienne, hein, c'est Boris. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années que vous ne m'entendez pas. Je suis soit à la technique, soit je suis pas là. Mais aujourd'hui, eh bien, en fait, cette voix que vous connaissiez tous maintenant depuis 3 ans, qui vous parlait du cinéma avec Dominique, eh bien, cette voix a disparu. Elle n'est plus là pour vous parler cinéma. Cette grande dame, parce que je ne peux pas dire autrement, Raik Hurst. Oh, elle n'était pas impressionnante par la taille, pas du tout. Elle avait des cheveux rouges flamboyants, mais c'était aussi quelqu'un qui était passionné par le cinéma, qui a, je dirais, une bonne partie de sa vie, consacré sa vie au cinéma. Elle était une sorte de passeuse entre le métier qu'elle faisait, critique, et vous, auditeur ou alors lecteur, puisqu'elle écrivait aussi des critiques au Monde Libertaire, dans la revue Jeune Cinéma. Elle est aussi intervenue à France Culture. C'est, pour elle, le cinéma, c'était véritablement la chair de sa chair. Mais je pense qu'au cours de cette émission, on va pouvoir aussi se rendre compte que c'était aussi quelqu'un qui, dès l'origine, avait été une passeuse. Elle était une passeuse déjà. Elle est née en 1938, avant donc la Seconde Guerre mondiale. Elles sont restées, elle et ses parents, jusque après la Seconde Guerre mondiale, dans ce qu'on appelait par la suite l'Allemagne de l'Est, pour venir en Allemagne de l'Ouest. Et là, en Allemagne de l'Ouest, elle rencontre un autre monde. C'est celui de ces futurs pays qui vont devenir indépendants, mais qui à l'époque sont des colonies. C'est l'Algérie. Elle va devenir alors une passeuse aussi. Et c'est l'origine de ce terme, pour moi, c'est véritablement là, c'est par rapport à l'Algérie. Elle devient une passeuse, elle transmet le courrier, elle prend des risques. Et finalement, je dirais que tout le reste de sa vie, c'est aussi s'impliquer, prendre des risques, être à l'encontre de tout ce que tout le monde dit. Finalement, ah non, ce film-là est un chef-d'œuvre. Raik dit non, c'est pas un chef-d'œuvre. Pour telle et telle raison, non, c'est pas ça un chef-d'œuvre. Moi, j'aurais préféré que au Festival de Cannes, le palmarès, ce soit tel film pour telle et telle raison. C'est Raik. Elle a toute une perspicacité, mais aussi une pertinence. Alors des fois, on n'est pas d'accord avec elle, mais au moins l'intérêt, c'est que ça suscite la conversation, ça suscite la discussion. C'est ça, Raik. Même si elle pouvait être parfois de très mauvaise foi, mais qu'importe. Au moins, les gens autour d'elle s'énervaient et s'impliquaient. Donc ça voulait dire que ils devaient émettre un avis, quel qu'il soit. Soit ils étaient d'accord, soit ils n'étaient pas d'accord. Bref, voilà, c'est ça que je retiens de Raik, que j'ai rencontré par hasard il y a en 1997. Pour la première fois, je venais à la radio dans cette émission Le Manège, qui a plus de 30 ans, qui a été créée par Michel Bonjour en 1981. Michel Bonjour qui n'est plus aujourd'hui, qui a été repris par Tanguy Ranou, qui est toujours aujourd'hui, mais vers d'autres horizons. Et puis j'ai repris la suite en 1997. Mais la première impression que j'ai, c'est celle d'une prof d'allemand dans un lycée qui appelle au téléphone et qui a sa chronique pendant un quart d'heure. Elle le prend sur le temps de sa récréation. Alors elle est speed, etc. Puis elle se dit, mais qui c'est ce personnage, cet homme là au téléphone, d'où il sort celui-là? Et moi, c'est la première fois que je l'ai vu au téléphone, je me dis, mais qui c'est ça? Paniqué et tout, Tanguy ne m'avait pas prévenu. Et puis finalement, donc, elle passe à l'antenne, elle fait sa critique de cinéma sur plusieurs films, un peu comme une autre personne que j'ai déjà entendue sur une autre radio, dont je ne citerai pas le nom, qui faisait un peu pareil. Et voilà, ça a été ma première découverte. 2 ans après, ou 3 ans, je crois, elle était à la retraite, et j'ai vu pour la première fois sa tête. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors, premier rapport, on s'est engueulé.

Oui, je veux bien dire quelques mots sur ce que Heike m'a apporté. Ça faisait quelques années déjà que j'avais la chance, même le bonheur, je dirais, travailler, c'est même un grand mot, mais de participer à l'émission qu'elle menait de main de maître. Et je dirais qu'elle a fait de moi, et c'est pas un mince compliment, une cinéphile. Alors que j'étais quelqu'un qui aimait le cinéma, d'une façon un peu spontanée et épidermique, elle m'a appris à réfléchir. On s'est engueulé, en fait. C'était la façon dont on communiquait. On s'engueulait. Qui aime bien châtie bien, dit-on, et la violence de nos engueulades est à la mesure de la force, je le crois, de notre amitié. Mais à travers toutes ces engueulades, elle m'a fait découvrir malgré toutes ces engueulades, elle m'a fait découvrir des cinéastes, elle m'a fait m'interroger sur moi-même, et à notre époque c'est tout à fait précieux. J'ai pu apprécier, elle était extrêmement sensible, et j'ai pu apprécier ses grandes qualités humaines, aussi agressive qu'elle ait pu être parfois, aussi intransigeante. Elle avait un cœur d'or, quoi. C'est sûr. C'est le coup de l'omelette norvégienne, mais à l'envers, quoi. C'est chaud à l'intérieur et froid à l'extérieur. Et elle va me manquer horriblement. Et elle va me manquer, je dirais, physiquement. Et puis, je me demande avec qui je vais parler cinéma maintenant, parce que je vous aime bien tous, mais il n'y a personne qui soit à la hauteur de ses qualités d'écoute, de la subtilité de son discours. Et je me sens vraiment amputée de ma partie cinéphile, quoi. Ben peut-être que voilà. Tu pourras parler cinéma avec Joseph, parce que Joseph, quand même, il s'y connaît en cinéma. Alors, Joseph. Hein, Joseph? Est-ce que tu t'y connais en cinéma? Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce qu'on peut en douter? C'est quand même un petit peu ton métier, le cinéma. Mais de même que Annick aussi, c'est un petit peu son métier, puisqu'elle est monteuse. Donc, quand même, il y a des discussions qui peuvent s'engager. D'ailleurs, c'est le cinéma qui nous a fait nous rencontrer. Exact. Parce que c'est un mois d'octobre 2000. Dans la queue devant le MK de Beaubourg, où on était dehors sous la pluie, il faisait bien froid, pour la masterclass de Johan van der Keuken, qui allait mourir quelques semaines après. Et moi, j'étais venu à Paris pour faire de l'enseignement, j'habitais pas Paris à l'époque. Et puis, je vois qu'il y a une petite bonne femme avec des cheveux rouges et un chapeau melon qui remonte... impunément la file. Elle n'avait pas de complexe du tout là. Je dis, mais elle est quand même gonflée là. Nous on se pèle là, sous la pluie. Et il se trouve qu'à ce moment-là, la file se débloque et on se retrouve tous les deux côte à côte à la caisse. Et je la vois sortir une carte de presse. Alors ça m'a un peu rassuré en disant, bon, c'est vrai, si elle a une carte de presse, c'est normal qu'elle passe facilement. Et il ne restait plus que deux ou trois places. On s'est trouvés côte à côte. Et après, c'est comme ça que ça a commencé. Bon. Ça me rappelle un souvenir, en fait, parce qu'elle était venue en Bretagne pour assister au festival de films de Douarnenez. Ça se passe à la fin du mois d'août. Et nous deux, évidemment que nous n'étions pas invités au film de Douarnenez, c'est-à-dire moi-même et Tanguy. Et donc, elle nous dit, oh, pas de problème, j'ai ma carte presse et je vais vous faire passer tous les trois. On va passer tous les trois, quoi. Et donc, on se retrouve. Il fallait quand même qu'on mange à un moment donné. On se retrouve à la cantine. Et à la cantine du festival de Douarnenez, il y avait justement des crustacés qu'elle aimait pas du tout. Un truc spongieux, etc. Et alors donc, elle nous a tout donné, et on a fait tous les films, en fait, gratuitement, grâce à elle, quoi. Et ça a été, je crois, l'un des meilleurs souvenirs des parents de Tanguy qui l'ont rencontré, puisqu'elle avait passé trois jours, en fait, là-bas, comme étant une femme qui était, qui leur parlait toujours par image, et toujours, ah oui, telle chose, ça me fait penser, oui, ça me rappelle telle chose. Et les parents de Tanguy se disaient au départ, elle doit être un peu folle, et puis au fur et à mesure se disaient, ah mais non, mais c'est quelqu'un qui est vachement intéressant. Ils ont toujours été marqués par... Et si je veux enchaîner un petit peu aussi par rapport à cette séance de masterclass, parce qu'en fait, Johan van der Keuken était là, et c'est ce professeur d'université belge, là, dont j'oublie le nom, qui est devenu un spécialiste de ces films. Alors, il passait des séquences et lui nous donnait son appréciation, son analyse de ces séquences. Et tous les deux, on s'est retrouvés parce que souvent, on n'était pas d'accord avec ce que le gars disait des séquences que l'on voyait. Donc après, on a continué cette conversation. Mais c'était déjà sur une façon de percevoir les choses. Et de fait, comme moi j'enseigne un petit peu ma profession de chef opérateur aussi, elle m'a beaucoup aidé aussi à sortir des sentiers battus, de me servir toujours des mêmes extraits, etc. M'a fait découvrir énormément de films. Je pense que c'était une lecteuse, c'était quelqu'un qui avait, je disais une passeuse, mais c'est plus que ça. C'est une lectrice de l'image, mais pas au premier degré. Il y a plusieurs en fait degrés qui va beaucoup plus loin. Annick. Ah, toi, tu la connais bien, et puis franchement. C'est avec eux qui m'a offert mon. Moi, je voulais depuis toute petite. J'ai vu West Side Story, et quand j'ai vu West Side Story, j'ai voulu faire du cinéma. J'ai compris que dans un film. Merci. C'est le portable d'IQ. Non, attendez, excusez-moi, c'est extraordinaire parce que c'est quand même juste le portable d'IQ qui appelle. Donc j'ai oublié d'éteindre le portable d'Aïke, mais c'est son portable qui appelle. Mais parce que moi j'ai éteint le mien, donc voilà. Donc on va l'éteindre vraiment, mais est-ce que on peut le mettre à côté parce que je sais pas comment on l'éteint celui-là. C'est Aïke qui m'a donc offert mon premier stage 16 mm à l'époque. Donc j'avais 15 ans. Je suis partie à Cannes pendant 15 jours pour faire toutes les fonctions qu'on fait dans un film, pour apprendre ça. Et j'ai même rencontré à cette occasion la personne qui organisait le stage, qui est devenu le papa de ma fille quelques années après. Donc voilà, dans le passage, effectivement, elle m'a offert mon premier stage. Et je vois une boucle, en fait, à un endroit, c'est que j'aurais été l'invité de sa dernière émission. Mmh. Et pour moi, c'est très troublant parce que je ne suis jamais venue à la radio. Aïke a invité systématiquement tous les réalisateurs dont j'ai monté les films. Mais je n'ai jamais été invitée à la radio. Et en fait, sur ce dernier film pour lequel elle m'a invitée mercredi dernier, la réalisatrice a insisté pour que je vienne avec elle, en me disant je vais pas à la radio invitée par ta maman si je suis toute seule, donc je t'emmène. Donc je sais pas si j'ai appris que donc avec eux était très traqueuse par rapport à cette dernière émission avec ma présence. Et c'est vrai que mercredi dernier, j'avoue maintenant que moi j'ai senti quelque chose de pas du tout normal dans sa manière d'être. Elle était épuisée, éreintée, fatiguée, mais c'était hors de question d'annuler quoi que ce soit. Une demi-heure avant, elle était dans un très très mauvais état, et pourtant elle était là et tout le temps là. Et je crois que ce film dont on a parlé la semaine dernière, Le Dernier Choix, qui est passé hier soir à la télévision, qui était donc pour le coup un film pour la télé, et qu'elle invitait exceptionnellement parce que c'était un film sur la fin de vie ce film lui a permis d'être moins triste et d'avoir moins peur devant la mort. Et ce film lui a permis, je pense, de partir debout. En tout cas, c'est ce qu'elle m'en avait dit. Et voilà, c'est le lendemain qu'elle est allée à l'hôpital et le lendemain matin où elle est décédée. Moi, j'avais envie, en fait, puisque là, c'était l'histoire de la boucle, j'avais envie de raconter une anecdote incroyable. Hier, je suis allée dans une boutique où j'avais commandé un DVD depuis un moment donné, qui s'appelle Une journée particulière d'Hétéro Scola, qui pour moi est un film très important. Et j'avais commandé ce film parce que je n'arrivais pas à le trouver, donc je finis par trouver le film, je le commande. Hier, je vais le chercher. Je retourne le DVD pour lire le résumé, pour lire ce qu'ils avaient mis. La première phrase, c'est 9 mai 1938, une journée particulière. Le 9 mai 1938, c'est le jour de la naissance de ma mère. Et je n'avais jamais vu ni jamais compris que une journée particulière, c'était juste le jour de la naissance de ma maman. Voilà. Je passe mon tour, sinon je pleure. C'est pas une histoire de passer son tour, mais l'histoire en fait du dernier, de ce film, Le Dernier Choix, c'est bien ça, c'est comme ça que ça s'appelle, me renvoie à un autre souvenir. En fait, quand je suis revenu de vacances, soyons honnêtes, et que j'ai repris la radio pour la première, j'ai retrouvé une rack qui avait bougrement changé depuis le mois de juillet, la dernière fois où je l'avais vue. Mais la façon dont elle a abordé cette émission, Dominique était partie en fait vers 15h parce qu'elle avait des obligations professionnelles. Ça a été d'aborder deux films. Il y avait un film où il était question de printemps, c'est-à-dire c'est une histoire avec une femme qui se retrouve avec son fils. Et qui, cette femme, elle veut rester seule. Quelques heures de printemps. Voilà, quelques heures de printemps. Et il y avait Le Dernier Choix. Et la façon dont je l'ai vécu, en fait, cette émission, c'était, j'avais véritablement l'impression que on avait affaire à une Reich qui était confrontée, ou alors qui faisait une sorte de... Oh, le mot est trop fort, de testament radiophonique. Elle était dans cette ambiance-là. Elle était véritablement épuisée. Tout ça avait été hyper long. Donc, j'ai aménagé au fur et à mesure, etc., pour que créer une respiration, qu'elle ait des pauses et tout, qu'elle puisse se reposer à la fin de chacune des phrases. Et là, j'étais à la technique, donc pas du tout sur le plateau. Je sais pas si vous savez, vous les auditeurs, mais quand on est de l'autre côté, on peut pas. On est coincé à la technique avec les trucs. Et quand on constate qu'il y a quelqu'un qui... C'est dur. On essaye de faire des gestes pour essayer de faire en sorte qu'on va de passer de la musique et puis de venir à l'intérieur du studio, etc. Là, je me suis dit... Boris, tout ce que tu redoutais est en train de se passer, il va falloir qu'on aménage, quoi. Mais c'est surtout cette idée-là sur comment je vais annoncer, appréhender cette dernière période. Là, j'ai vraiment compris que la radio, pour elle, c'était vital. Que plus elle durerait, mieux c'était. Alors, on s'est organisé et on a essayé de faire jusqu'au bout. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir été là la semaine dernière, alors que ça aurait été possible. Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça, quoi. Mais Reich avait véritablement, ça je le savais, son idée ultime, c'était de pousser jusque à cette émission-là, quoi. C'était clair. En fait, il y avait l'idée de savoir ce qui la préoccupait. C'était de savoir comment partir. Et c'était ça. En fait, dès cette émission du mois de septembre où j'étais présent, c'était cette idée-là. C'était pas d'aller partir en Suisse, etc. C'était de savoir elle-même comment partir. Elle n'avait pas envie de tous les trucs que j'ai connus avec quelqu'un d'autre, moi, qui sont très très durs. Non, là, c'était... Voilà. Samantha, tu voulais dire quelque chose? Bah oui, je voulais dire que j'ai connu Heike grâce à Annick, mais j'ai surtout... Heike a d'ailleurs été la première personne à m'inviter à Radio Libertaire. Je sais pas, il n'y avait pas John Bernstein, on s'était pas rencontrés. On s'était rencontrés, mais grâce à toi, mais bien sûr, c'est l'émission. Alors l'émission, voilà, l'émission pour les traductions, etc. Et puis après, avec les films sur lesquels on a travaillé, avec Annick aussi, Heike nous a invités. Mais donc la première fois à Radio Libertaire, c'était grâce à vous. Ouais, mais à l'époque, tu étais traductrice et puis ensuite, après, tu es devenue attachée de presse. J'étais attachée de presse. Enfin, bref, ça, voilà. c'est pas si important que ça. Mais... Et je me rappelle aussi que Annick, mais Heike aussi, à la mort de ma maman, Annick a été extraordinaire, incroyable, mais Heike aussi. Mmh. Elle a été d'une générosité à ce moment-là. C'est une générosité tellement touchante et qui est tellement avec son caractère, qui est tellement dans la dimension de sa belle âme, que voilà, je voulais profiter de ce moment pour remercier Annick et remercier Heike surtout pour m'avoir aidé dans ce passage mais extrêmement difficile de perdre sa maman. C'est enfin, c'est tout ce qu'on appelle normal, mais au moment où ça nous tombe sur le coin de la figure, ce n'est absolument pas normal. Et Heike, je ne vais pas dire qu'elle a pris la place, parce qu'elle a l'âge de... Ma mère était née en 1940, donc c'est pas très loin. Mais elle a eu cette générosité-là. Et puis après, bon, mais alors avec nous, toutes les deux, nos chevelures rousses, dans la rue, toutes les deux petites, 1m60, avec nos cheveux roux, je peux dire qu'on en jetait pas mal. Et puis oui, ben, les émissions à Radio Libertaire, c'est une grande passion du cinéma. Et pareil, effectivement, une analyse absolument pas dans les sentiers battus de la critique redondante et lénifiante qu'on entend partout ailleurs. Voilà. On va faire une petite pause en écoutant peut-être un morceau de... c'est du jazz. Alors c'est Le Vartrin, je crois. Alors le Léviathan Gypsy Band, voilà. Dans le disque intitulé Chromatologie. Et j'ai choisi Swing for Nénette. D'accord. Thank you. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Le numéro de studio, c'est le 01 43 71 89 40. Et je vous rappelle que nous sommes en train de parler à plusieurs de qui était pour nous finalement Heike Hurst, celle qui a animé le manège ces trois dernières années, après moi, parce que quand même, entendre ma voix dans l'émission Le Manège, c'est un peu bizarre, donc ça devrait faire tilt chez vous, parce que ce n'était plus du tout habituel. Moi, j'étais passée de l'autre côté, à la technique avec Anne, et c'est grâce à Anne, aujourd'hui, que je peux vous parler, et en même temps que, aussi, vous pouvez entendre Samantha, Dominique, Joseph, Annick. Alors, je crois qu'il était question d'une... d'une histoire avec Godard. C'est vrai qu'on l'a entendu, cette histoire avec Godard. Alors, avec... c'est une de ces histoires légendaires. C'est Heike, qui n'a pas sa langue dans sa poche, au Festival de Cannes, une conférence de presse, est étonnée que un des réalisateurs sélectionné à la sélection officielle, qui était d'un pays de l'Est, je ne me rappelle plus lequel, mais qui ne parlait pas vraiment bien anglais ni français, Heike a posé la question qui fâche au Festival de Cannes. Mais comment ça se fait qu'un festival aussi prestigieux, avec la thune que vous avez, vous n'êtes pas foutu de vous payer un traducteur avec du pays du gars qui parle? Manu Militari, elle se fait prendre par deux gros malabar, virée de la conférence de presse. Ça, c'est Heike. Alors, j'imagine 1m60 avec gros malabar, la portant sous les bras, l'image, le comique. Et le lendemain, son action, on va dire, ayant été entendue par Jean-Luc Godard commence sa conférence de presse à lui. Dans le langage de ce mec, enfin, il trouve un traducteur, il fait sa conférence de presse à lui dans la langue. Il y a personne qui comprenait rien et tout. Et c'était une manière de ce que pouvait faire Heike et pouvait être pris, avec beaucoup beaucoup de. En tout cas, quand elle disait quelque chose, elle se fâchait tout rouge. C'était pour normalement des bonnes raisons. Oui, bah des fois elle pouvait avoir un caractère de cochon aussi, hein. Je l'ai déjà connu. Ça va avec. Hein. On a pu s'énerver dans le cadre du manège, hors antenne bien entendu, les auditeurs n'en savaient rien, mais ça se passait pas forcément très très bien. Mais bon, alors le Festival de Cannes, ça c'est vrai, c'était le grand moment. Il n'y avait pas que celui-là, hein. Il y avait celui de Berlin... Il y avait celui de... La Rochelle, Tübingen, Turin... Oui, il y avait Tübingen, oui, à une époque, c'est vrai qu'il y avait Tübingen. Mais il y a Venise. Je sais qu'on avait eu l'occasion de parler de celui de Tübingen, mais ça faisait quelques années, je crois qu'elle n'y allait plus. C'est le dernier. D'accord. Parce qu'on parlait d'Hölderlin, parce que Hölderlin a fait ses études à Tübingen. Mais bon. Annick, Joseph... C'est difficile toujours de parler comme ça, surtout moi je partageais l'avis d'Heike, donc on n'a pas tout à fait la même vision. Moi je voyais un petit peu aussi toutes les préparations et les lendemains à la fois des festivals et de la radio par exemple, ça lui prenait facilement une journée de préparation. Elle mettait très longtemps à se préparer parce qu'elle voulait faire ça... avec sérieux, et donc tout était suspendu à ça. Et le fait est aussi que Heike n'avait pas la même voix quand elle était dans les festivals que quand elle était à la radio, à la maison ou à la radio. Oui, c'est-à-dire que d'un coup, on avait l'impression d'un poisson qui aurait retrouvé le grand large. Elle était toute frétillante, si j'ose dire, dans la voix au moins. Et parce qu'elle était dans un milieu où là, elle s'éclatait d'un certain sens. Mais j'ai été plusieurs fois avec elle à différents festivals. C'était pas une sinécure, hein, quand même, parce que en 10 jours, elle arrivait parfois à avoir plus de 50 longs métrages. Ce qui veut dire lever à 6 heures, coucher à 1 heure. Bon. Et avec des prenant des notes, interpellant les critiques les plus connues qui se croisaient en disant tu as vu le dernier machin, l'autre disait non, bah alors qu'est-ce que tu fous à Cannes finalement, c'est toujours, je te vois toujours au café. Je te rejoins, je suis d'accord avec toi, parce qu'à Douarnenez, elle avait fait ça. Pour une fois, il y avait des critiques, comment je pourrais dire, plus connues, qui s'étaient retrouvées au festival de Douarnenez. Et là, c'était pareil, mais qu'est-ce que tu fous à ce festival, t'es même pas allé voir ça, et ouais, tout est nul, quoi. Puis là, tu disais, oui, mais à Berlin, est-ce que tu as vu ça? Je te parle pas de Berlin, je te parle de Douarnenez, et tout, t'as même pas été capable d'aller voir ce film, c'est une pure merveille, et tout. Et puis, en plus, plein dans le noir de la salle de cinéma en train de prendre des notes. Alors ça, je ne l'ai jamais compris. Et alors, elle m'expliquait qu'elle avait une espèce de petite lampe de poche et que donc, comme ça, ça lui permettait de voir ce qu'elle écrivait. C'est un stylo lumineux. Mon Dieu, mais c'est une horreur. C'est complètement mort. C'était le fameux stylo lumineux. Alors, je suis en ai acheté quelques-uns comme ça, mais ce n'était jamais vraiment très bien. Non. Mais la grande... Enfin, je pense, moi, qu'une des grandes qualités qu'elle avait, c'était cette fidélité. Parce que, par exemple, moi, j'ai assisté avec elle à l'arrivée de Wong Kar-wai, par exemple, sur les écrans européens. Et elle m'a montré, puisqu'elle accumulait les documents qui viennent de n'importe où, dans n'importe quelle langue, elle m'a montré comment elle avait découvert un jeune réalisateur qui s'appelait Wong Kar-wai et elle avait déjà deux ou trois articles sur les courts-métrages de Wong Kar-wai qui étaient passés, je ne sais dans quelle section, en parallèle à Berlin ou à Stockholm. Et elle était toujours un peu agressive quand elle lisait les papiers dans les quotidiens les plus connus en France, les grands journaux. Où elle lisait « Voilà un nouveau réalisateur qui vient d'éclater enfin sur nos écrans ». Elle dit « Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de leurs frais de mission quand tous ces gars-là étaient à Turin, à Venise, à Montréal, etc. ?» Parce que moi, j'ai vu le court-métrage de Wong Kar-wai, il y avait 6 ans déjà. Et d'un coup, il découvre comme ça et ça l'énervait beaucoup, ça. C'est là où on se rejoignait, je dirais, avec Raik. Parce que moi, c'était pas du tout le cinéma. J'avais pas l'occasion, c'était la littérature. Le livre. C'est vrai qu'on se retrouvait sur ce point-là. Mais bon, c'était pas toujours facile. On a essayé de faire des émissions on allait pouvoir travailler à la fois sur la littérature et le cinéma, par exemple sur des romans qui avaient été repris et qui avaient été visités par le cinéma. Ah, au cinéma. Mais c'était hyper dur. C'est compliqué. Ah non, c'était ouais, beaucoup trop compliqué, quoi. Elle était intéressée quand même par ça, justement. Oui. Je sais qu'elle est toujours. Le lien qu'elle avait avec toi, c'était bien sûr un lien d'amitié très profond. Mais aussi, il y avait cette envie, parce que, en fait, sa toute première visée professionnelle, d'après ce qu'elle m'en a dit, c'était l'édition, c'était ça, ce qu'elle voulait devenir, et donc elle a fréquenté dans des travaux de vacances et des choses comme ça, des maisons d'édition, en France, parce qu'elle avait aussi découvert le français, et elle était toujours, justement, intéressée par ce lien... littérature, écriture, cinéma, etc. Je pense que c'était l'un de ses... Quand elle était en Allemagne, me semble-t-il, à l'époque où elle est devenue passeuse, elle travaillait dans une librairie. Elle travaillait dans une documentaliste. Non, en Allemagne, en fait, elle travaillait dans une maison d'édition qui principalement s'occupait de caricaturistes français. Et donc, elle a rencontré Ciné. Là-bas, et quand mon père, déserteur de la guerre d'Algérie, qui est porteur de valises, arrive clandestinement en Allemagne, c'est en fait cette maison d'édition était un endroit où les porteurs de valises arrivaient et où elle servait de traductrice. Et son premier métier, c'était vraiment dans l'édition. Et quand elle a quitté l'Allemagne, puisque la France était vraiment pour elle son pays de prédilection, quand elle a quitté l'Allemagne, elle est arrivée en fait à la librairie du PUF, qui est donc Gilbert Jeune, pour continuer à travailler dans l'édition. Ensuite, bah, c'est, on est en pleine guerre d'Algérie. Elle retrouve mon père qui est donc clandestin. Et au moment où... Un beau gars quand même. Un beau gars, oui. Pour elle qui faisait elle a toujours dit d'ailleurs qu'à l'origine c'était un beau gars, oui, ça c'est vrai. Oui, c'est sûr. Et donc, elle travaille à la librairie du PUF et la guerre d'Algérie est finie. Et mon père part en Algérie après l'indépendance et ma mère le suit et devient prof en Algérie en fait avec eux est devenue prof en Algérie pour pouvoir s'occuper de tous les enfants là-bas et elle a passé en fait ses examens enfin où c'est inscrite là-bas oui ses classes etc elle les a passées en Algérie et elle est rentrée en France après avec ça en main donc d'un seul coup elle est devenue prof par dépit de puisque elle fait là pour le coup mon père est parti elle a dû s'occuper de sa fille et donc il y avait un métier qu'elle avait en main c'était celui-là et elle n'avait pas du tout les relations à ce moment-là pour pouvoir aussi retourner dans l'édition ce qu'elle aurait adoré faire. Elle est rentrée, je me souviens, à l'époque, c'était ce qu'elle m'avait dit. Maintenant, peut-être que tu vas me dire le contraire, mais beaucoup, c'est autre chose. Elle est rentrée à la fac de Vincennes, parce que c'était avant mai 68. Sauf que la fac de Vincennes a tellement participé aux événements de mai 68 qu'ils ont eu le retour du bâton, c'est en 69 ou en 70, et que donc elle a été obligée de faire un choix. Et elle est devenue, elle a passé après le... Non, elle était toujours prof dans un CES à Sarcelles. On arrive en 68 d'Algérie, virée par le FLN. On est à Sarcelles, elle est prof dans un CES et parallèlement, elle rentre à la fac de Vincennes. Et elle était dans le département allemand et donc elle donnait des cours en allemand sur le cinéma allemand à Vincennes. Et moi, j'étais le mercredi, j'étais à la... Au cours. Non, j'étais toute petite, j'étais au... T'aurais pu être en cours. J'étais à la garderie de Vincennes, comme tous les enfants, des étudiants ou des profs de Vincennes. Donc j'ai aussi connu Vincennes dans sa belle époque. Mais ça aussi, c'est un trait de caractère qui peut être proche de... Pour décrire un peu Heike, c'est-à-dire que son grand regret, ça avait été peut-être de ne pas travailler dans l'édition... Mais par rapport à cet épisode de Vincennes, d'après ce qu'on a échangé entre nous, c'est que elle aimait faire l'enseignement, mais elle n'était pas très douée pour faire de l'enseignement avec des collégiens ou des jeunes, trop jeunes. C'était une question d'autorité, etc., de liberté de parole aussi, parce qu'elle avait du mal à choisir un système qui fasse respecter un ordre très précis, etc., alors qu'elle désirait profondément enseigner à des adultes, ou disons à des étudiants assez avancés. Ouais. Et un de ses regrets, c'est de ne pas avoir pu, comme un certain nombre, transformer le professorat qu'ils avaient à Vincennes dans d'autres universités, parce qu'elle n'était pas en mesure de tirer, j'allais dire, les bonnes ficelles, des bonnes relations, etc., du fait aussi qu'elle s'occupait de sa petite famille. Elle n'avait pas les bonnes ficelles, en fait. Oui. C'est ça dont je me souvenais. Qu'on avait eu une discussion là-dessus, elle n'était pas dans la bonne... comment on pourrait dire ça? Dans la bonne clientèle, parce qu'il y en a qui s'en sont sortis de la vague de Vincennes et qui ont continué à enseigner. Mais elle n'était pas encore dans ce truc-là. Elle revenait en fait d'Algérie. Je suis pas totalement d'accord avec vous, mais c'est pas. Oh, c'est pas grave. Je pense que c'est pas qu'une histoire de ficelle. C'est aussi une histoire à l'époque où c'est une femme seule qui élève un enfant. Justement, c'était ça. Et qui a simplement peur de ne pas pouvoir avoir toujours le poste et qui fait simplement le choix de rester dans l'éducation nationale classique et de son CES, elle est passée à un lycée à Paris, un lycée technique. C'est une histoire de choix, c'est-à-dire qu'un... Non, parce que c'est, ça a été un conflit à un moment donné entre elle et moi où, entre guillemets, elle m'a parlé de sacrifice et où je lui ai quand même fait remarquer qu'elle avait vraiment choisi et qu'elle était surtout à une époque où elle pouvait choisir. Donc elle a eu peur de ne pas pouvoir, et ce qui était totalement légitime aussi, puisqu'elle était seule à m'élever, que mon père ne m'élevait pas du tout. Donc voilà, mais c'est pas que une histoire de positionnement, parce qu'elle pouvait tout à fait et suivre à Saint-Denis, et elle aurait pu. Enfin, après, elle n'était pas garante de mais je veux dire, à un moment donné, on fait aussi des choix. Enfin, là, pour le coup, moi, je suis intermittente du spectacle. On ne sait pas ce qui advient 6 mois plus tard. L'éducation nationale vous assure que vous y êtes. Je dirais, elle s'est sécurisée à d'un endroit pour pouvoir aussi à d'autres endroits se sentir libre. Mmh. C'est chacun fait comme là, comme il peut. Mais il n'y a pas eu fondamentalement pour moi un problème de. Oui, de savoir y faire pour le voyer. Je crois pas que ça soit ça, puisque il y en a beaucoup qui, de Vincennes qui, de toute façon, sont allés sur Saint-Denis. Enfin, ça, c'est fait mais pas naturellement. Tous, hein. Moi, j'en ai rencontré qui étaient en Irlande. Dans une caravane, tu vois, et qui venait de Vincennes. Ils avaient laissé tomber complètement. Un autre grand moment dans ses souvenirs, au moins, c'était le moment où elle intervenait à France Culture dans l'émission Panorama. Qui était l'émission de Bidlowski, qui s'est suicidé dans la maison de la radio, d'ailleurs. Oui. Et à partir de ce moment-là, elle tenait une chronique sur le cinéma, et même plus largement, je crois. C'était plus largement, oui. Je crois. Oui. Ce n'est qu'après le suicide de Bidlowski qu'elle elle intervenait à France Culture dès qu'il s'agissait du cinéma allemand. Donc c'était notamment au moment du festival de Berlin. Oui. Ça, c'est après. Parce que ça c'était durait après. Encore, oui. Oui, c'était après où elle intervenait, où on continuait à faire appel à elle. Je crois que c'était Marvin Haché, d'ailleurs, il me semble qu'il faisait et qui continue, d'ailleurs, à faire cette émission, quoi. Ben, et, parce qu'il venait, il venait à Berlin, il faisait leur émission en direct, quoi. Mais là, elle parle. Il me semble bien qu'il y avait une partie où elle parlait en allemand, et où elle interviewait des cinéastes allemands, quoi. Là, bon. Pour le coup, dans les histoires de passage et de passeurs, il y a quand même le grand travail d'Aike, c'est quand même ce livre qu'elle a permis d'éditer qui s'appelle Les Frères Ennemis. Tendres Ennemis. Excusez-moi, parce que Tendres Ennemis. Et elle, son plus grand travail, quand même, a concerné à mettre en valeur les réalisateurs allemands, mais surtout à mettre en valeur le lien fondamental qu'il y avait entre l'Allemagne et la France. Et je pense que ça a été l'endroit très important pour elle, parce qu'elle s'est sentie. Elle est française. Je dirais, elle meurt française, elle est née allemande. Enfin, c'est inscrit dans ses gènes, quoi. Et elle a fait ce travail de reconstruction, d'apaisement. Et ça a été très drôle au moment, justement, de la Constitution, où je me souviens très bien, à mon anniversaire, on allait voter, quelques semaines après, on allait voter oui ou non à la Constitution. Et pour elle, c'était oui. Parce que l'enfant de la guerre et qui est né allemande et qui vit en France et qui veut que l'Allemagne et la France se réconcilient une fois pour toutes. Et moi qui étais non, il est hors de question d'avoir cette Europe-là. Et c'était très drôle parce que sur le fond, évidemment qu'on était totalement d'accord. Mais pour elle, c'était même pas possible que ça passe par le non, quoi. Peut-être parce que pour toi, c'était véritablement une question politique alors que pour elle, c'était une question symbolique. Quoi. Tout à fait. Hein mais c'est exactement ça. Mais c'est là où ça a été... C'était très drôle, parce que, évidemment, politiquement, on était totalement d'accord. Mais sur cette question-là, pour elle, c'était bien pas sûr. Possible de voter non à cause de cette symbolique qui était fondamentale, quoi. Moi, j'étais assez d'accord avec elle, vois-tu. Mais je sais, j'ai été éduquée dans une famille où, qui a tellement été marquée. Mes parents ont été marqués complètement par, par la guerre. Bon, ils étaient plus vieux que Reich, mais véritablement marqués par la guerre. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, ils ont voté contre. De toute façon, ils ont voté non. Alors que moi, j'étais pas du tout d'accord avec eux. C'est-à-dire, j'avais véritablement reçu. Mon père était prof d'histoire. Ce qu'il m'avait enseigné finalement, pas transmis, on transmet pas bon, des connaissances. Bon, ceci dit, c'est une autre histoire, le voilà. Oui, non. Bon, on va peut-être écouter un peu de musique. Ouais, oui, on écoute un peu de musique et puis je pense que on va. Il y a une chose que. Bon, puisque alors, là, on écoute un peu de musique et après tu dis. Alors, nous allons écouter un petit peu de Chopin par Samson François et donc ce sont des nocturnes. Plus précisément, si j'avais de meilleurs yeux, nocturne numéro 7 en ut dièse mineur. Non, l'idée, c'est que... Est-ce qu'on... deux annonces. Attends. Bon, donc nous arrivons à la fin de cette émission. Il ne sert à rien que nous continuions. Je pense qu'on a dit déjà pas mal de choses. Je vous propose que en janvier, je ne sais pas encore quand, mais j'en informerai la radio, nous nous retrouvions avec des personnes qui ont compté dans la vie de Reich. Et qui est-ce qui a bien pu compter dans la vie de Reich? Effectivement, ce sont des réalisateurs de cinéma, quoi. C'est eux les plus compétents et les plus à même de parler de la personne qui les a souvent interviewés. Et pour vous faire une idée finalement de qui était cette personne, Reich Hurst, sortie d'Allemagne, qui vit en France, enfin bon voilà quoi. Mais ceci dit, avant d'arriver au mois de janvier, il y a un moment où, si vous le voulez, vous pouvez vous retrouver auprès de Reich. Et là, je te laisse la parole à Nick pour l'annoncer. Oui, alors samedi, nous faisons une cérémonie en hommage à Eke au Père Lachaise de 10h à 13h dans la salle de la coupole. Donc l'entrée du Père Lachaise par le métro Gambetta. Si vous parlez tous en même temps, excusez-moi, mais c'est vraiment très compliqué. C'est toujours compliqué. Moi, je rigole pas, moi, en fait. Là, je... Donc c'est le moment où les gens qui ont aimé avec eux et qui voudraient venir sont invités à participer à la cérémonie dont on lui rend hommage. C'est donc au Père Lachaise, au crématorium, dans la salle de la coupole, l'entrée par le métro Gambetta, de 10h à 13h samedi. Et pour la proposition de l'émission en janvier, c'est effectivement retrouver les réalisateurs qui ont aimé... rencontrer avec eux et qui auraient envie de venir partager un moment autour de ces micros dans cette émission où ils ont été reçus par elle. Et donc voilà, c'est aussi un appel, c'est-à-dire que si nous écoutent des réalisateurs qui aimeraient participer à cette émission, bah, qu'ils nous fassent signe et on serait très très heureux de les recevoir pour ça. Merci. On peut demander peut-être à Publico de prendre des messages pour... Bien sûr. Alors le numéro de Publico, c'est le 01 48 05 34 08. Ils sont courants déjà. Et Dominique, peut-être tu veux dire un mot? Oh, ben je me sens orpheline. Hein. Mmh. Ah, moi aussi. Orpheline d'Eke et de cinéma plus généralement. On a essayé de prendre un ton un peu, je dirais presque léger, là, mais on est quand même tous profondément perturbés oui. Et tristes. On n'a pas envie de pleurer à l'antenne non plus, c'est pas le... Non, non. Mais bon, nous sommes orphelins parce qu'en fait le manège est aussi orphelin et le manège, sans Reich, c'est une formule qui a vécu pendant 30 ans, mais... Maintenant, après Reich, se dire que cette formule va continuer à vivre alors qu'elle n'est plus là, personnellement, je n'y crois pas, puis je n'en ai pas envie. Je vais bien, et on fera, pour la dernière, une émission autour de Reich avec des réalisateurs. Mais de là à dire qu'on va continuer à faire vivre le manège, moi et Dominique, avec toutes ces personnes qui ont fait le manège et qui ne sont plus là, non. Moi, il y avait une chose que je voulais vous suggérer, puisque là, c'est en public on parle de ça, c'est vu qu'il y a énormément d'années d'archives qui concernent le manège. Je posais vraiment juste la question de s'il n'y avait pas possibilité, peut-être une fois par mois, de faire une chronique rétrospective des meilleurs moments du manège en ce qui concerne vraiment des interviews avec des personnalités très précises et qui pourraient effectivement faire l'enjeu de nouvelles émissions. Et donc peut-être une fois par mois ou je ne sais pas quoi, mais voilà, c'est une suggestion parce que moi, je suis très sensible à en tout cas, ce rapport à la mémoire. Il y a des choses justement qui doivent s'arrêter parce que voilà, les chemins sont différents. Et puis il y a aussi dans tout ce qui concerne l'histoire là du cinéma, il y a aussi vraiment une histoire de mémoire et donc il y a peut-être à trouver le moyen terme, mais trouver le bon pour en même temps revaloriser des choses qui ont été dites et qui restent d'actualité, qui restent importantes à soulever, à remettre dans la tête des gens. Et donc peut-être que y a un travail qui pourrait perdurer. Mais ça, il faut qu'on ait du temps aussi, nous, pour y réfléchir. Et donc on pourra déterminer fondamentalement ce que deviendrait l'émission, peut-être parce que on aura des idées précises à proposer. Oui, ça serait une possibilité, mais l'émission, si tu veux, en tant que telle, le manège, qui voulait dire une émission qui tourne, qui passe littérature, cinéma et théâtre, tel que c'était conçu, est un concept, si tu veux, qui est allé au bout, quoi, finalement. Mmh. Nous sommes au bout parce que déjà, moi, ma disponibilité a complètement, pour ainsi dire, disparu depuis presque 3 ans. Puis qu'il y a des gens qui ont disparu et qui m'étaient chers et que du coup, je n'ai plus eu l'énergie. Il y a Raik qui a pris le relais et Raik n'est plus. Et ne serait-ce que de faire continuer une émission ou l'âme même de l'émission, nos âmes n'y sont plus, pour moi, c'est impossible. Ou alors, c'est me mettre dans des situations en rapport avec la mémoire et la trace qui sont tellement dures à gérer que je peux pas, quoi. Comment Annie, comment vous faites avec toutes les belles archives et tous les meilleurs moments. Déjà, ça, vous avez quand même vous avez du boulot, déjà. Et peut-être verra ça à la rentrée. Il faut, en fait, s'il doit y avoir quelque chose, il faut l'imaginer. Mais c'est pas l'heure. L'heure n'est plus à la renaissance du manège. Le manège est mort. Voilà. L'émission d'aujourd'hui est donc terminée. Je vous propose d'écouter le générique de cette émission pour la dernière fois. C'est Eyes Wide Shut. Et c'est... Allez, qui est-ce qui va me dire comment s'appelle cette valse ? Qui est dans ce film Eyes Wide Shut, hein. Qui est un film que je détestais, qu'elle adore. C'est pas la valse, c'est pas une valse de Shostakovich, non. Si, c'est Shostakovich. Eh bien voilà, je vous propose de l'écouter pour la dernière fois. Merci à tous. Mais pas pour la dernière fois, t'es incroyable. Aujourd'hui. Merci à vous tous.